premiers rayons d'un beau jour. Sur leurs chevaux, fuyant toutes les peines, à la conquête de l'amour. Ils sont venus, les mercenaires, en espérant qu'un plus beau matin verrait l'amour naître dans la lumière d'un grand chemin. Ils ont trouvé en haut de la grande colline ce que nous cherchons depuis toujours. Parmi les sentiers et les ruisseaux qui cheminent, ils ont trouvé le vrai visage de l'amour. Ils sont restés la nuit entière, cueillant les fleurs de la fin du jour. Car ils étaient les mercenaires, les mercenaires de l'amour. Ce que nous cherchons depuis toujours. Parmi les sentiers et les ruisseaux qui cheminent, ils ont trouvé le vrai visage de l'amour. Les mercenaires à l'âme fière sont revenus dans le petit jour. Ils rêveront la vie entière, à la conquête de l'amour. Les mercenaires à l'âme fière sont revenus dans le petit jour. Ils rêveront la vie entière, les mercenaires de l'amour. Les mercenaires.